Chapitre 2e. À court de ressources, Garcin eut alors l'idée de faire intervenir le curé Bise pour plaider sa cause. Aussi large que haut, l'homme d'église en imposait et bien peu s'était hasardé à lui résister. Son éthique était simple et claire, frappée au coin du bon sens, forgée par la vie et la connaissance du terroir autant que des gens. Malgré son apparence, ce n'était pas une brute, mais un homme fin dont les conseils toujours pragmatiques étaient écoutés. Cédant à la supplique de Garcin, le curé se rendit donc un matin chez Maître. Ce dernier se reposait sous l'ombre fraîche d'un mûrier devant sa porte. Contrairement à son habitude, le chien n'aboya pas, mais vint se frotter aux jambes du prêtre. « Vous voyez, même votre chien reconnaît la présence de Dieu, » plaisanta le père Bise. « Oh, curé, je n'ai pas encore demandé l'extrême onction, » s'écria Maître. « Qui vous a parlé de cela, mon fils ? Je viens vous voir au sujet du mariage de votre fille, » dit-il sans préambule. « Si c'était pour ça, père Bise, vous auriez mieux fait de rester dans votre presbytère où mon chien aurait dû vous bouffer les mollets. Vous perdez votre temps. J'ai posé mes conditions à Garcin et je ne reviendrai pas dessus, c'est clair ?» Peu impressionné par l'attitude de Maître, le curé s'assit sur le muret à côté de lui et posa la main sur son épaule. « Ne faites pas l'enfant, vieille bête. Arrêtez de faire le fier et écoutez-moi. Certes, votre fille est courageuse et ne rechigne pas à l'ouvrage. Mais ce n'est plus une jeunesse ni un modèle de beauté. Des parties, elle n'en a pas trouvé d'autres, et tout me fait penser que les galants ne se bousculent pas. Té, vous vous y connaissez, vous, en amour et en femme, curé? C'est nouveau, ça. » Parfaitement. Et plus que vous, Bédigas, qui n'êtes jamais sorti de votre trou. En plus, dites-vous que je connais l'histoire de chaque paroissien. Or, si j'ai bonne mémoire, lorsque vous vous êtes marié, vous n'aviez pour tout pécule que ce que vous aviez dans votre pantalon. Et à cette époque-là, vous faisiez moins le fier. Je reconnais que vous avez fait fructifier le bien, mais dans la corbeille de mariage, il n'y avait que les terres de votre épouse. Paix à son âme, sainte femme. « J'ai payé de mon travail, » rétorqua Maître. « Oui, je sais. Au lit aussi, » ajouta le curé. « Mais Garcin a offert de vendre ses terres, d'investir dans votre ferme. Il ne viendra donc pas sans rien, comme vous l'avez fait vous-même. Pour moi, c'est du vent. Si ma fille passe outre mon consentement, je la déshérite. Vous n'en avez pas le droit, vieux fou. Ah bah, la belle affaire. Je vends tout et je vais vivre comme un prince à Manosque le restant de mes jours. Le notaire m'a dit que je pouvais le faire. Et ma fille se débrouillera avec son garçon. On verra s'il est capable de la nourrir. Vous déparlez, père Maître. Le notaire n'a pu vous dire une telle sottise. Hortense est autant héritière que vous. Pour vendre, il vous faut son accord et je parie n'importe quoi qu'elle refusera. Réfléchissez bien, père Maître. À vouloir trop gagner, on finit par tout perdre. Avez-vous pensé que bientôt vous ne pourrez peut-être plus mettre un pied devant l'autre? Qui s'occupera de vous? Je prendrai une servante qui vous volera et dilapidera votre bien, mon pauvre. Oh, mille adieux, il ferait beau voir, rugit Maître. Puis, énervé par tant d'entêtement, le père Bise finit par s'emporter. « Tu n'es qu'un vieux couillon, Maître, je ne te salue pas. » Et là-dessus, le prêtre tourna les talons. « Je prierai pour vous, curé, » répondit Maître, dans un grand éclat de rire. Revenu d'avoir donné aux bêtes, Hortense avait entendu la fin de l'entretien. Elle ne prit même pas le temps de s'essuyer les mains pour se mettre à invectiver son père dans une rage folle. « Vieille carne, vous avez fait trimer ma mère toute sa vie pour vous avoir mis dans son lit. » « Vous l'avez tué de travail, vous l'avez assassiné. Vous n'avez jamais voulu prendre un valet de plus ou une servante. Bien sûr, vous en aviez une gratuite. Voilà 12 ans qu'elle est morte, et moi, ça fait autant de temps que je vous sers de garçon de ferme, de bonne à tout faire, de cuisinière, et j'en passe. Puisque vous ne voulez rien entendre, saleté, vous vous passerez de moi. Je m'enferme dans ma chambre, et vous vous débrouillerez tout seul. Je vous laisserai crever comme une vieille bête. » Et si vous avez le malheur de franchir ma porte, je vous fends le crâne, comme un melon mûr. » Ayant dit, elle entra dans la ferme comme une furie et fit claquer la porte tellement fort que la maison trembla jusqu'à la plus haute tuile fêtière. « Bon débarras !» moqua un Maître. « Tu crèveras de faim avant moi !» Le vieux n'était pas du tout sûr que l'imprécation qu'il venait de proférer se réaliserait. Depuis qu'Hortense ne s'occupait plus des soins du ménage, il se nourrissait d'oignons, d'olives, de noix et d'amandes. Il aurait bien pu tuer un lapin ou un poulet pour le faire rôtir, mais cette histoire lui avait enlevé le goût du pain, et la colère lui tenait lieu d'aliment. Au lieu de manger ses légumes, il préférait ronger son frein et soigner ses maux de tête.